On a été surpris et agréablement surpris que les Saguenayens de Chicoutimi gagnent la loterie pour le repêchage de la Ligue de hockey junior du Québec qui sera présentée au mois de juin prochain à Shawinigan. Et question de savoir un peu, c'est qui les prospects, qui sont les meilleurs prospects pour les Saguenayens? Bon, on rejoint le directeur de la centrale de recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Carl Bouchard. Bon après-midi, Carl. Bon après-midi. Carl, est-ce que c'est un bon repêchage cette année? Ben, si dans l'ensemble du repêchage, oui, c'est un repêchage avec une assez bonne profondeur. Ce qu'on dit aux gens, exemple, si on avait à coder les 25 premiers joueurs de cette année comparativement aux 25 premiers joueurs de l'an passé, probablement que nos cotes arriveraient plus haut sur celui de cette année. Okay. Par contre, vous savez, l'an passé, les 4 premiers joueurs au repêchage, c'était quand même des joueurs de très haut niveau. Des voix presque de concession, on peut dire de concession dans le cas d'Alexis Lafrenière. Ensuite, on avait Samuel Poulin, Jacob Pelletier et Xavier Parent, qui étaient 4 joueurs qui sortaient de l'ordinaire. Cette année, on n'a pas ce type de joueurs-là. On a quand même de bons joueurs au repêchage, mais on n'a pas de type de joueurs Lafrenière, Pelletier, Poulin ou Parent. Exemple, le premier joueur que Chicoutimi pourrait prendre, un au total, si les spectateurs s'attendent à ce qu'il marque 42 buts l'an prochain, ça peut arriver qu'ils soient déçus. Ça veut pas dire que ce ne sont pas un bon joueur, mais je pense pas qu'ils vont avoir l'impact à 16 ans, le même impact que les Alexis Lafrenière. Mais ça, on peut-tu dire que c'est exceptionnel ce qui s'est passé avec Lafrenière? C'est un repêcheur de même, ça arrive à toutes les 10-15 ans. Là. Fait que, tu sais, il faut pas. Ouais, c'est sûr que ce type de repêcheur, t'as raison, là, ça arrive pas à toutes les années. Disons que Sidney Crosby, au moment de l'année de Sidney Crosby, c'est un exceptionnel, mais je suis pas capable de me souvenir que le premier, là, au total, a eu autant d'impact là, qu'Alexis Lafrenière. Même Nicolas Roy, qui a été un excellent joueur junior, n'a pas eu le même impact qu'Alexis Lafrenière à 16 ans. OK. Mais si on enlève le repêchage de l'année passée, c'est-tu aussi bon que les autres années? Parce qu'il y a quand même eu des bons joueurs. Je me rappelle des Benoît-Olivier Groulx, des Nicolas Roy. C'est des bons joueurs. Là. C'est des très bons joueurs comme premier choix. Là. Oui, absolument. Absolument. Puis ce qui fait un petit peu la caractéristique du repêchage de cette année, c'est que le joueur numéro 1 a allé peut-être au joueur numéro 7, numéro 8. Il n'y a pas une grosse différence. Puis ça va, c'est comme on disait tantôt, si on avait eu à les coter, il aurait été très bien coté de façon générale. Donc, c'est des joueurs qui vont être capables de jouer junior, qui vont faire de bons juniors majeurs. Ça, c'est, on en est certain. OK. Qui sont ces joueurs, finalement? Mettons les 5 premiers. Dans le fond, OK, disons que l'ordre n'a pas d'importance. Ce que je vais vous dire, parce que notre ordre n'est pas encore définitif, là. Mais normalement, dans les 5 premiers, on devrait retrouver un Patrick Gay, un joueur de centre. Ça, c'est le frère à Maxime, hein? C'est à Nicolas. À Nicolas Gay. OK, c'est beau. Ça veut dire que c'est sûr que Patrick Gay a quand même compté 34-35 buts pendant la saison. Même Alexis Lafrenière n'a pas compté 34-35 buts, mais il y a 3 là, à 15 ans. Okay. Donc, Patrick Gay, c'est un joueur intéressant qui devrait sortir dans les 5 premiers. Ensuite, on a Xandrix Lapierre, qui est un autre joueur d'avant, un ailier, un joueur que je dirais peut-être le joueur le plus complet là, du repêchage, là, qui est capable de jouer sur 200 pieds, un excellent fabricant de jeu, n'a pas la même touche offensive que Patrick Gay, mais du moins là, qui est un excellent joueur, qui va faire un excellent score, excellent patineur, un meilleur physique, il fait quand même 5 pieds 11, tout près de 6 pieds, donc il a un meilleur physique que Patrick Gay, là, puis je ne suis pas inquiète que Lapierre va faire un excellent joueur au niveau junior majeur. Okay. Ensuite, à toujours, on va parler des joueurs d'avant, des attaquants. Ensuite, je te donnerai peut-être les deux premiers défenseurs. Ouais. Le troisième attaquant là, serait probablement Josh Lawrence, un jeune du Nouveau-Brunswick là, qui a passé l'hiver aux États-Unis pour Select Academy. Il a quand même ramassé 80 points, qui a quand même joué là, avec un groupe d'âge supérieur à Leander. On appelle ça les 15 ans et moins ou les 16 ans et moins. Là. Mm-hmm. Lui, au lieu de jouer avec les 16 ans et moins, il a joué avec les 17 ans et moins. Okay. Il a quand même ramassé 80 quelques points. Mais la problématique avec Lawrence, c'est qu'il s'est déjà commis avec l'université. Oui, il s'est déjà commis avec l'Université de Boston. Okay. Donc il y aurait une entente au moment où on se parle avec l'Université Mais de Boston. Mais ça, c'est pas impossible. Ça s'est déjà vu souvent par le tour. Absolument. Ouais. Absolument. Ça s'est déjà vu, mais du moins, on a l'information que Lawrence a une entente avec l'Université de Boston. Ensuite, pour terminer peut-être notre top 5, on aurait deux défenseurs. On a deux défenseurs de qualité là, en William Villeneuve, qui a joué pour les Cantoniers de Magog, qui est un défenseur droitier avec un excellent coup de patin, une excellente vision. Mais il faut faire attention. Si jamais Choupoutimi prenait William Villeneuve 1, si les gens pensent qu'ils ont repêché Samuel Girard, mais ils vont être déçus. Okay, c'est quand même un bon défenseur, mais c'est pas Samuel Girard. Okay. L'autre défenseur qui pourrait terminer notre top 5, ce serait Jérémy Poirier, des Grenadiers de Châteauguay. Lui aussi, c'est un défenseur gaucher. L'autre est droitier, mais lui est gaucher. Avec lui aussi de bonnes habilités offensives, très, très bon en avantage numérique. Il a quand même été la pierre angulaire de la défensive des Grenadiers qui ont surpris en séries éliminatoires. Puis c'est sûr que Jérémy Poirier va faire un défenseur de bonne qualité au niveau junior majeur. OK. Dis-moi, dans la région, y a-t-il des joueurs qui sont natifs du haut du lac qui pourraient sortir cette année? Du haut du lac cette année, là, ça va être difficile. Parce que si on prend les voix des élites de Jonquière, il y a Mercier, le défenseur, qui va probablement être listé dans nos cinq premières rondes, alentour de la quatrième ronde ou troisième ronde, qui est un jeune de la Côte-Nord. Et il y a Tristan Gagné, qui est un joueur de la Couronne-Nord de Montréal, qui a terminé l'année des élites, qui devrait être dans les cinq premières rondes. Après ça, au niveau régional, là, ça va être difficile. OK, OK. Dis-moi, des gardiens de but? C'est pas une bonne année, OK. On a Lavallée, le jeune Lavallée qui est à Antoine Giroir, qui va terminer probablement sur notre liste dans les alentours du milieu de la deuxième ronde. Après, c'est plus difficile. Après, les cinq gardiens que les gens peuvent nommer, là, peu importe que tu sois un dépisteur à la centrale ou pour une équipe, ça peut varier d'une équipe à l'autre, d'une personne à l'autre, là. Ça peut être vraiment différent. Mais c'est pas une grande année de gardien. OK. Mais ça, les noms que tu viens de sortir là, ça dépend toujours de comment ils se développent. Il y a le recrutement, mais il y a le développement aussi. Ça dépend toujours comment l'organisation. Absolument. C'est ça, c'est. Faut en prendre dans l'essai de ça aussi, là. T'as 100% raison. C'est beau de repêcher, mais il faut pas seulement repêcher, il faut être capable de les développer. Ouais. Il faut que tu les mettes dans des contextes positifs, dans des contextes de développement positif. Puis, dépendamment de comment est-ce que le jeune va se développer, éventuellement à 16, à 17, à 18 ans, c'est ce qu'il va faire. Est-ce que le jeune va être un super junior, un pro, ou il va faire un junior ordinaire? OK. Ben, Carl, c'est fort agréable. C'est intéressant quand même. J'ai très hâte de voir les Saguenay depuis la première fois, depuis 1979, qu'ils vont repêcher au premier rang en principe. Mais avec ce que tu me dis là, c'est pas impossible qu'il y ait un négligent recul. Si t'as 5-6 joueurs qui sont pas loin, c'est pas sûr. S'il y a une bonne offre, une équipe qui veut avoir un joueur, c'est pas impossible que Yannick recule. Ça n'a pas écarté non plus. Il n'y a rien d'impossible. Ouais, c'est pas écarté. Carl Bouchard, un gros merci pour son parler. Merci beaucoup. Il est directeur de la centrale de recrutement, Carl Bouchard.